Diego, m'appelle Gaudier. Ah ouais? Je suis né à Buenos Aires. J'ai débarqué comme ça. En Belgique, le 4 piges. Direction Luxembourg, ma douce. Direction le pays du flouze. On s'en sort bien, sauf moi. Mais bon, trouve pas les mots. Pourquoi? Parce que ma vie est une chanson dont je ne connais pas les paroles. Et je t'avoue, j'en ai ras-le-bol. J'ai cherché partout, j'ai cherché dans tous les coins. J'ai fumé au moins 20 joints. Au moins, je te jure. Je sais pas où ma tête en est. Elle est sûrement sur la lune. Et moi je cherche des trucs. Je cherche ma vie sentimentale. Je cherche ma vie dans le travail. Je cherche ma vie. Je cherche mes potes. Je cherche tout ça, mais je trouve pas. Alors je suis star sur ce beat comme dans ma vie. Parce que ma vie est une chanson dont je ne connais pas les paroles. Yeah, ma vie est une chanson dont je ne connais pas les paroles. Ma vie est une chanson dont je ne connais pas les paroles. Non. Alors je freestyle. Je m'en fous. Je prends le train, je vais à BX. Je m'en fous. Je fais des trucs de fou. Des trucs que j'aurais pas fait d'habitude. Je prends de l'altitude. Je suis seul dans mon coin. Rien à foutre vu qu'il y a plein de gars dans mon cas. Alors je smoke vite fait. Et je me fais du mal. Et je m'en bats et je me pose sur l'instrumental. Je fais plein de trucs que je devrais pas. Parce que ma vie est une chanson dont je ne connais pas les paroles. Alors je freestyle. Sur le sample à la fin avant que ça s'arrête. Et si c'est la dernière chanson, ben il faut que ça pète. Alors il faut que je rappe sur cette trompette ou ce saxo. J'arrive ici gros et je m'en tape.